s'éteint. Surtout que selon mon banquier, c'est en détente. Mais on vit dans des temps critiques. Le discours entêtant contre tes dents crie. Les politiques mentent en tes dents. Je n'ai plus de fric et c'est normal. Là-haut ça pompe tout ce qui traîne. C'est fou tout ce qu'ils prennent. C'est pas pour ça que tout va mal. Mais ça n'ira pas mieux puisque tout le monde se renvoie la balle. Je n'ai plus de fric, je n'ai plus de temps. Et pourtant, c'est pas pour ça que je panique pour autant. Je laisserai sûrement pas grand chose à mes enfants. Des chansons seulement mais pas d'argent. Je n'ai plus de fric, je n'ai plus de temps. Et pourtant, c'est pas pour ça que je panique pour autant. Je laisserai sûrement pas grand chose à mes enfants. Puisque j'avance à contre-courant. De suivre sa cadence, les heures deviennent des notes avec lesquelles je danse. Et quand j'y pense, le malaise empire, car rien ne compense mes doutes pour l'avenir. Je n'ai plus la notion du temps, il fonce à toute allure et devient de plus en plus percutant, de plus en plus insultant. Disant que rien ne se passe en 10 ans, il a raison même s'il est médisant. Je n'ai plus de fric, je n'ai plus de temps, et pourtant. C'est pas pour ça que je panique pour autant. Je laisserai sûrement pas grand chose à mes enfants. Des chansons seulement mais pas d'argent. Je n'ai plus de fric, je n'ai plus de temps. Et pourtant, c'est pas pour ça que je panique pour autant. Je laisserai sûrement pas grand chose à mes enfants. Puisque j'avance à contre-courant. Je n'ai plus de fric, je n'ai plus de temps. Et pourtant, c'est pas pour ça que je panique pour autant. Je laisserai sûrement pas grand chose à mes enfants. Des chansons seulement mais pas d'argent. Je n'ai plus de fric, je n'ai plus de temps. Et pourtant, c'est pas pour ça que je panique pour autant. Je laisserai sûrement pas grand chose à mes enfants. Puisque j'avance à contre-courant.